ma plume du colon dans l'encre. J'écris ton libertaire et t'es nous censuré. On essaie de trouver des thèmes chocs qui excitent ton cœur comme l'électrochoc. Ma haine est arrivée comme Luc, puis que son ombre vers son échappe au règne de la haine. Du jour au lendemain, du pétale en fusion s'accumule en moi. Mital veut m'exploiter, peut tout vous rêver. Je ne chante pas la michade de la Starac. On vole pas des oranges de notre jour près d'orange. C'est des caisses de l'or. Des caisses de l'or. Je suis doloré avec mon accent. Je mets l'accent sur l'effet de rôle par ici. Été comme hiver, ça passe dans l'effet d'hiver. Pour se procurer un bon boulot, il faut posséder un booster, par faire la gueule d'employeur. Pas lui dire que t'es un ancien voleur, un voisin des bas quartiers. Si je rentre dans ce système avec peine, c'est que j'ai tout fait pour y arriver. J'ai lancé un flot du texte de frérot, avec des beats qui ont percé l'hymen de la politique. Elle qui était vierge de mon sang, man. Maintenant que dire à leur père l'état, il est dans de beaux draps dans un sale état. Maintenant que succomber à la tentation, pire que l'île dans tentation. C'est du hardcore que tu veux, c'est du lourd que tu veux. C'est des paroles remplies de colère que tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, plus bas. C'est ça que tu veux voir. Bon, je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu préfères ton petit bureau, t'es d'HQ. T'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, mec, tu pues. Tu pues. Je pèse plus les mots depuis une obésité de rage. Il faut que j'en lâche, ça pèse trop sur le cœur. C'est pas mon heure, je veux pas crever. Je vais avancer, car les cornes sont passées. J'ai tout fait pour passer toute cette merde. Pour plus les revoir défiler sous mes yeux. Défiler sous mes yeux. J'ai trop joué avec les mots, ils peuvent s'attirer agresser. Nous censurer, car personne n'aime la vérité. Je le sais que c'est déjà arrivé avec nos frères. C'est de la rancœur qui est à toute heure. Mon acapella, c'est mieux au combat. Avec sa copine Nazik, je veux bouleverser par les postes déchaînés. Que l'on enchaîne les beaux parleurs. Que tu augmentes le son des haut-parleurs. Les gouverneurs contre les gouvernés. Le son va claquer, ouais. Sonner la terre, c'est ton bras radioactif. Intéresse ce système de merde. C'est le bon pansement, le bon placement. Pour demain. C'est pire que la réalisation de Tchernobyl. On vous envoie au charbon pour sauver leur cul. Alors que eux, ils sont dans leur fauteuil, tranquille. La pollution en ébullition. Les ours blancs sont aquatiques. Les papiers en plastique. Les coccinelles allergiques aux pucerons. La terre est en train de fondre en larmes de plomb. Elle devient lourde, remplie de déchets nucléaires. Ce qui sort de la bouche de Villepin pollue l'air. Et chichi aussi avec ses mots. Cet escroc, il tourne toujours autour du pot. Je lui envoie mon faux, moi c'est du direct. Dédicace mon enterrement. Ça finira d'un bête sain, tu n'es pas crédible. Ferme les yeux, écoute un peu le monde. Le futur part dans le noir, noir de mal, noir de monde. Qui gronde sous cette terre. Envoie mon refrain, puis j'ai qu'un coup de poing. C'est du hardcore que tu veux. C'est du lourd que tu veux. C'est des paroles remplies de colère quand tu veux. Descends dans nos rues, ouais, descends dans nos rues. Plus bas encore, plus bas. C'est ça que tu veux voir. Moi je crois pas que c'est ça que tu veux voir. Tu fais ton petit bureau, t'es l'HQ. T'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Toi aussi, mec, tu pues.